génération de pillage, les pires protège ma mère. Nique le huissier, me faut des thunes que je protège ma mère. Je me bats chaque jour en tant que jeune père. Entre bien et mal, j'avoue, parfois je me perds. Arrête de sucer les steaks, c'est pas la même qu'ici. Tellement ça parle sur WAM, j'ai les oreilles qui sifflent. J'arrive à un stade où faut faire des choix. Je marche seul car nos jours les faux frères des soirs. 21 piges, je pense à me ranger, je médite car c'est là. Je mélange technique et style comédie car c'est là. T'ouvres trop ta gueule toi, viens qu'on t'arrange. L'avantage quand t'es seul c'est que t'as pas de compte à rendre. C'est la crise de retrouver du taf même avec le visage bas. Je suis tranquille, me conseille, ne me dévisage pas. Je peux pas kicker un truc sans mon binôme. Je bouge tellement que je pense à faire le sud dans un mobilo. Trop d'imprévus, je suis jamais à l'heure des autres. Bonheur des uns fait le malheur des autres. Je vais répondre mes journées à part des scènes. Les souvenirs laissent place en gris quand les trous partent des scènes. T'es pas mort dans le film, t'es mort dans le feuilleton. Esprit d'automne, t'étonnes pas si les feuilles tombent. Solitaire comme Steve quand va tout le monde. J'parle pas de fatigue quand j'dis que t'es pas l'abri d'un coup de pompe. Un père absent, j'ai eu que la moitié des parents cool. Quand tout va bien, y'a toujours un truc qui part en couille. Y'a des soirs, j'me sens seul, même entouré de mes potes. Quand ça va pas, Dieu merci, mes trois grandes sœurs m'épaulent. J'ai jamais manqué de rien, mis à part le rôle d'un père. Sans en parler pour t'écrire ça, j'roule à perte. On fonce dans le mur et les regrets viennent après. À force de tout donner, normal si j'ai plus rien à perdre. Sous pression, constamment pour ça qu'on nique tout. Pour trouver ma voix, j'aurais pas besoin de camper un fix flou. Je l'ai rencontré dans tous les textes, à croire que le fils bouge. Qui peut juger mes erreurs à part un pic rouge. Sous pression, constamment pour ça qu'on nique tout. Pour trouver ma voix, j'aurais pas besoin de camper un fix flou. Je l'ai rencontré dans tous les textes, à croire que le fils bouge. Qui peut juger mes erreurs à part un pic rouge. Gros, ça débite, sur une tuerie de prod à résine. C'est comme ça que j'écris, que des furies de prose agressives. Mon état second, tu crois que je mélange prose à kétis. Le respect ne s'apprend pas, c'est comme l'appétit. Joue le galérien, mais ton salaire, c'est mon code postal. Arrête le rap, va donc te pendre avec tes cordes vocales. C'est pas toujours comme des adultes qu'on parle. J'm'en bats les couilles, moi qu'on adule mon blaze. Tant qu'on me laisse faire mon taf, je veux pas reculer. De toute façon, j't'ai déjà calculé comme un expert comptable. Sous pression, faut que je décompresse. Parce que c'est tous les jours que la défense reste. Ça paiera sec au parc quand c'est la def au diex. Gros, j'm'en bats les steaks, de plaire à Pierre-Paul Jacques. J'vis au présent, dur de savoir la suite du parcours. J'me méfie quand une balance me dit du rap lourd. Et si on se marre, ne crois pas que l'on s'amuse de trop. Ne compare pas un calamar et un anus de porc. J'avoue, j'me pose beaucoup de questions. J'peux pas me gérer moi-même, mais qu'est-ce que j'fous en cours de gestion. J'ai déjà la plume, attention, attends qu'on file des ailes. J'suis toujours dans l'action, un peu comme Vin Diesel. Air Max au pied, j'ai marqué le territoire. Je parle vrai, j'ai pas besoin de narrer des histoires. Je vous citerai pas des noms, enfermez-moi. De toute façon pour moi c'est pas l'enfer, l'enfer c'est moi. Bah ouais, je vais hiberner les semaines ultérieures. En métaphore, j'écris toujours au degré supérieur. Le binôme, ce projet on l'a pris au sérieux. Mais c'est que l'élan avant le saut périlleux. Je quitte ma plume car elle est assez lente. Plier les voiles, ça y est j'ai lâché l'encre. Sous pression, constamment pour ça qu'on nique tout. Pour trouver ma voix, j'aurais pas besoin de camper un fix flou. Je l'ai rencontré dans tous les textes, à croire que le fils bouge. Qui peut juger mes erreurs à part un pic rouge. Sous pression, constamment pour ça qu'on nique tout.